Chapitre 6. L'explication fut courte entre M. Picot et Jean. Ce dernier, dont l'amour-propre eut beaucoup à souffrir dans l'entrevue, devait retourner à Saint-Pierre-sur-Dive et entrer comme commis chez son père. Il resterait encore quelque temps au Billot pour attendre que l'affaire du portrait fût oubliée. « Voyons l'héritier, disait l'oncle, le lendemain, sois franc avec moi. Pourquoi n'as-tu pas réussi le portrait du maire? Tu ne travaillais donc pas à Paris? Mais si. Eh bien alors, tu n'es pas capable de réussir? Allons donc, fit Jean, qui s'emportait peu à peu. Oui, je réussirai. Je leur clouerai le bec à tous ces imbéciles qui sont furieux de voir un des leurs s'élever au-dessus d'eux. Partout, je sais que ces envieux me débinent. Ils sont enchantés que j'ai fait un four, pour une fois, ce qui arrive au plus grand. Jamais aucun de mes maîtres n'a pu faire un bon portrait de certains hommes connus. Ça n'étonnerait pas un artiste, ce qui m'est arrivé. Mais tous ces idiots-là, est-ce que je puis le leur expliquer? J'ai une grande peur, mon pauvre Jean. C'est que ton père ne veuille pas te laisser repartir pour Paris, malgré des explications. Jean aussi avait cette crainte. Un autre, moins réfléchi, se serait passé de la permission et des fonds paternels, et jeté dans la mêlée, quitte à sombrer. Mais Jean réfléchit. Il se dit que l'important était de ne pas courber le front et de refuser le travail manuel auquel on voulait l'astreindre. Rentrer à Paris, sans un sou, il n'y songeait pas, ayant trop vu dans ses courses où il les faisait causer les promeneurs déguenillés sur les bancs des boulevards extérieurs et le long des quais. Il savait que sans argent, il ne pourrait que rejoindre ses désespérés. Il attendrait. Cette année de Paris avait un peu surexcité ses nerfs. Il se reposerait et reprendrait plus tard la lutte. « Eh bien, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je n'en sais rien. »« Je te connais bien. »« Va, tu ne vas pas rentrer chez ton père. » Jean fit un signe de dénégation. « Écoute, je ne peux pas tout seul t'envoyer assez d'argent à Paris. Et il est entendu que ton père ne donnera plus rien de ses écus. Veux-tu rester ici ?»« Je me fais fatiguer. » »« Tu surveilleras la ferme sans t'en occuper. Tu me rendras service. Et ça ne t'empêchera pas de faire de la peinture. » « Ne m'as-tu pas dit hier soir que tu ferais du paysage? Que c'était mieux dans tes goûts? Crois-moi, reste au Billot. Je ne t'ennuierai pas, moi. Et plus tard, tu sais ce que je veux dire, l'héritier? Tu seras ton maître et pourras retourner à Paris. Va, ça ne sera pas long. » Le vieux régalard le regardait, attendant la réponse. « Est-ce entendu, hein? Mon oncle, vous êtes bien gentil avec moi. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu es du Billot et je l'écrirai à ton père. » Oh, « ça ne sera pas aussi drôle qu'à Paris, hein? Mais est-ce que tu y as laissé tes affaires? Pas de dette ?» Jean n'osa répondre qu'il n'avait comme garde-robe que le vêtement qu'il portait, mais il eut le courage d'avouer une petite dette chez un hôtelier. « Combien ?»« Presque rien, dans les 50 francs. »« Est-ce qu'il sait où tu es? Tu lui as donné ton adresse ?»« Non. »« Ah bien, est-ce que tu n'as pas laissé chez lui ton grand tableau, celui dont tu m'as parlé ?»« Mon Taberlan ?»« Oui. » Il est presque fini, tu m'as dit. Eh bien, il se paiera avec ça. Jean rentra dans sa chambre le soir, un peu triste. Vraiment, quelle fatalité l'avait appelé à Saint-Pierre-sur-Dive. Mais il prendrait sa revanche. C'était un arrêt dans la marche. Il se reposerait et n'en bondirait que mieux ensuite. Il alla vers la cheminée sur laquelle se trouvait une boîte à cigares, pour en prendre un. Il l'ouvrit. Alors, dans le calme de cette nuit chaude, vibra doucement, comme avec des chevrotements de petites vieilles, le chant de Mignon, pleurant sa patrie. Jean fut remué. Une tristesse montait de cette boîte à musique. Il eut comme un pressentiment que son exil serait long.